La voie dans laquelle je me trouve permet de tourner à gauche. Et seulement à gauche. Pour continuer tout droit, je devrais changer de voie et revenir à droite. C'est trop tard pour changer. D'autant plus qu'une file de voitures s'apprête à me dépasser par la droite. Mais même si je me suis trompée de direction, inutile de prendre des risques. Il est de toute façon interdit de reprendre la voie de droite. Je n'ai qu'à tourner à gauche et je ferai demi-tour dans un endroit sûr. Réponse B.